السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mes très chers frères, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble l'étude de ce chapitre relatif au divorce. Mais avant de commencer, j'aimerais faire quelques remarques. Et premièrement, il m'a été rapporté que lors du cours d'hier, certains problèmes techniques et donc certains d'entre vous n'ont pas pu écouter le cours correctement. Et donc je vous conseille, mes frères et mes sœurs, de revenir à l'audio du cours qui est disponible sur la chaîne Telegram de nos frères du Merkez el-Ghouraba. Également, deuxième remarque, mes frères, c'est concernant mes cours et la rapidité avec lesquels je donne cours. Ça peut être difficile pour certains de nos frères et certaines de nos sœurs dans la prise de notes et dans la compréhension, et je m'en excuse. Le sujet, comme vous le savez et comme on l'a mentionné lors du premier cours, est très vaste et il y a beaucoup de choses à dire. Et donc je souhaite vous exposer le maximum d'informations et le maximum de sujets concernant ce chapitre. Ce chapitre qui est très vaste. Donc voilà pourquoi, lors des deux premiers cours, j'ai essayé de vous mentionner le maximum d'informations et donc le cours était relativement rapide. Donc je m'en excuse. Également, j'aimerais faire comme remarque, mentionner la complexité de ce chapitre. Ce chapitre est complexe. Le chapitre du divorce est difficile, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup, il est très technique. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs jugements, il y a plusieurs situations. Et donc ça nécessite une concentration optimale. Et des fois, il peut être compliqué ou difficile pour certains de nos frères et certaines de nos sœurs de pouvoir emmagasiner toutes les informations qu'on mentionne durant le cours. Voilà pourquoi il est important de revenir à l'audio et de réécouter. Mais ceci ne veut pas dire que pendant le cours, vous êtes les bras croisés, vous attendez. Non, ceci n'est pas la voie des ulama et des savants. Les savants nous ont conseillé et nous ont prodigué des conseils que lorsque tu écoutes le shir ou tu écoutes un prédicateur qui fait cours, tu dois prendre des notes. Et ne tu dois pas te reposer sur « oui, j'écouterai l'enregistrement ». Combien de fois on s'est dit « j'écouterai l'enregistrement » et on n'a jamais écouté l'enregistrement. Ou même des fois, un problème technique, il n'y a pas d'enregistrement. Et donc tu as perdu ce que le shir ou le prédicateur a dit. À ce sujet, subhanallah, ça me rappelle une anecdote. Lors de mon séjour à Médine, on faisait cours avec Cheikhuna Arafat al-Muhammadi hafidhahullahu ta'ala, et pour un des cours je n'ai pas pris de notes en pensant que j'allais me reposer ou j'allais utiliser l'audio, et subhanallah, l'audio a été perdu et jusqu'à aujourd'hui l'audio est perdu et il n'est pas possible de revenir à ce que le shir avait dit, subhanallah. Donc c'est important de prendre des notes pendant le cours. Également, le sujet du divorce est un sujet compliqué et difficile, car ce sujet peut rappeler des mauvais souvenirs à certains d'entre nous. Ce sujet, il est différent des autres sujets durant cette conférence, le mariage, la polygamie, les droits des époux, mashallah, ce sont des sujets que tu écoutes avec envie, et tu apprécies ces sujets. Mais lorsque tu parles du divorce, c'est un sujet hein, qui est plus douloureux, un sujet qui est plus délicat. Mais on se doit de l'apprendre. On se doit d'apprendre les règles. Et ceci nous fait penser au fameux hadith de Hudhayfa, radiallahu anhu, lorsqu'il mentionne que les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Wa ana kuntu as'aluhu an shar ma khafata an yudrikani. Il disait, moi, je l'interrogeais à propos du mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc on apprend le divorce, pas forcément pour l'appliquer quoi qu'il en soit, mais hein, d'être prêt et de connaître les règles et les caractéristiques de ce sujet afin de ne pas tomber dans l'erreur. Et dernier point que j'aimerais mentionner avant de commencer le cours, hein, ça concerne les divergences. Comme je vous ai dit, mes frères et mes sœurs, hein, comme tout sujet de fiqh, le sujet du divorce comprend des divergences. Et le but, hein, de nos cours, ce n'est de pas rentrer dans toutes les divergences et de débattre sur chaque divergence, non. Mais néanmoins, hein, il est obligatoire des fois de mentionner que sur tel point, il y a une divergence. Car ce sont des sujets qui sont délicats ou des sujets qui sont connus. Et si deux personnes divergent sur ce sujet, ce n'est pas forcément qu'il y en a une qui a mal compris, mais peut-être qu'elle suit un avis différent de l'autre personne. Et donc on se doit, en tant qu'étudiant en sciences, de connaître que sur tel sujet, il y a une divergence. Et ceci nous entraîne et développe nos facultés de compréhension dans ces sujets religieux. Donc voilà pourquoi on essaye de garder le juste milieu, c'est-à-dire de ne pas effacer totalement la mention des divergences dans le cours, mais aussi on ne rentre pas dans chaque divergence en détaillant pendant des heures. On essaye de trouver un juste milieu. Donc mes frères et mes sœurs, nous avons vu durant notre premier cours le sujet relatif au rôle. Et on l'a expliqué, Inch'Allah ta'ala, en donnant sa définition, en donnant ses preuves dans le Coran et la Sunna et l'Ijma', également ses conditions pour qu'il soit valide. Et nous avons également mentionné que le rôle n'est pas considéré comme un divorce, mais comme une séparation, comme une annulation de l'acte de mariage. Ensuite, nous avons vu hier les jugements ou le jugement du divorce. Et nous avons dit que le divorce peut prendre les 5 jugements du fiqh. C'est-à-dire il peut être obligatoire, il peut être recommandé, il peut être permis, il peut être détestable ou il peut être interdit. On a développé pour chacun de ces points. Et nous continuons aujourd'hui, nous passons à un nouveau sous-chapitre. Babun fit talaq sunni wa talaq al-bid'i. Al-talaq sunni هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها فهذا طلاق سني من جهة العدد بحيث إنه طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها وسني من جهة الوقت حيث إنه طلقها في طاهر لم يصبها فيه لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Donc il dit Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le divorce peut être sunni ou le divorce peut être bid'i. Le divorce est sunni, c'est le divorce qui est effectué selon la législation qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. C'est-à-dire qu'il divorce la femme d'une seule prononciation du divorce. Et durant la période de pureté. Durant la période de pureté de sa femme. Sans qu'il ait eu de rapport intime. Et il a laissé la période de viduité s'écouler. Ceci est le divorce sunni. Et on va détailler chacun de ces points. Donc c'est le divorce sunni en termes de nombre. C'est-à-dire qu'il a prononcé le divorce une fois. Et il a laissé la période de viduité s'écouler. Et sunni en termes de temps. Dans la mesure où le divorce a été prononcé pendant sa période de pureté. Et il n'a pas eu de rapport avec elle. Et ceci en accord avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Talaq, au sens approché, ô prophète, quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à leur période d'attente prescrite. قال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الآية الكريمة يعني طاهرات من غير جماع رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a expliqué ce verset en disant, c'est-à-dire les femmes pures, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans leur période de menstrue ou de lochie, et qui n'ont pas eu de rapport, comme l'a rapporté Abd al-Razzaq et Ibn Abi Shayba avec une chaîne de transmission authentique. Donc, le talaq sunni doit être prononcé une seule fois et au moment où la femme est pure. Mais, pas seulement qu'elle soit pure et qu'elle n'ait pas eu de rapport avec son mari depuis la fin de ses menstrues. Si, si une grossesse n'a pas été, n'a pas été trouvée. Donc ça, c'est le moment où le divorce peut être prononcé. والطلاق البدعي هو الذي يوقعه صاحبه على الوجه المحرم وذلك بأن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو يطلقها وهي حائض أو نفساء أو يطلقها في طهر وطهها فيه ولم يتبين حملها والنوع الأول يسمي بدعي في العدد والنوع الثاني bid'iyan fil waqt. Alors que le divorce bid'i correspond au divorce dont son auteur l'applique d'une façon illicite. Yani le mari applique le divorce de manière illicite, comme le fait qu'il la divorce trois fois avec une seule parole. Et ça, on va l'étudier juste après. Il lui dit tu es divorcé trois fois en une seule parole. Ou qu'il la divorce pendant sa période de menstrue, ou pendant sa période de lochie, ou lorsqu'elle est pure, mais après un rapport intime, et qu'aucune grossesse ne s'est avérée. La femme a fini ses périodes de menstrue, elle s'est lavée, elle est devenue pure. Ensuite, l'homme a eu un rapport avec sa femme. Et là, il la divorce. Ça, c'est pas permis. Ça, c'est ce qu'on appelle talaq al-bid'i. Mais si la grossesse est avérée, alors là, il est permis de divorcer pendant la grossesse de la femme. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وطلاق الحامل أمر لا بأس به بل هو سنة على الراجح يعني طلاقها سني لا بدعي. Il dit, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ou ta'ala, le divorce de la femme enceinte est quelque chose où il n'y a pas de problème. Ce n'est pas interdit, mais plutôt même c'est la sunna, selon l'avis le plus juste. C'est-à-dire que le divorce, lorsque la femme est enceinte, c'est un talaq sunni, et ce n'est pas un talaq bid'i. Donc on revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, et il dit, حفظه الله تعالى. Donc celui qui divorce trois fois avec une seule parole, c'est ce qu'on appelle talaq al-bid'i fil adad, dans le nombre. Et celui qui divorce la femme pendant sa période de menstrue ou de lochie, ou alors après un rapport intime et qu'aucune grossesse ne s'est avérée, c'est ce qu'on appelle bid'i fil waqt, ni dans le temps. Et donc là, on va ouvrir une parenthèse parce que c'est un sujet très important. Et qu'il est important de connaître. Quel est le jugement du divorce prononcé en une seule fois? Et ni le fait de prononcer trois divorces en une seule fois. Antitaliq. Si la personne dit trois fois, est-ce que ça compte pour trois fois ou est-ce que ça compte comme une fois? القول الأول تقع ثلاث تطليقات باللفظ واحد ثلاثا وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول طائفة من السلف. Le premier avis, mes frères et mes sœurs, c'est que le divorce est effectif trois fois s'il est prononcé dans une seule parole. Donc s'il dit Antitaliq trois fois en une seule parole, yani en une seule fois, c'est considéré comme trois fois pour ceux qui voient ce premier avis. Et ça, c'est l'avis des quatre écoles. Al-Hanafiya, ceux qui suivent Abu Hanifa, qui est mort en 150. Également Al-Malikiya, ceux qui suivent l'imam Malik, qui est mort en 179. Al-Shafi'iya, ceux qui suivent l'imam Al-Shafi'i, qui est mort en 204. Et Al-Hanabila, ceux qui suivent l'imam Ahmed, qui est mort en 241. Et également, c'est la parole d'un groupe de salaf, tels que Omar, Aïcha et autres. Radiallahu anhum ajma'in. واستدلوا بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Et il s'appuie, il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sens approché. Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors soit on garde son épouse conformément à la bienséance, soit on la libère avec bienfaisance. Et ils expliquent, ils disent, la signification apparente du verset implique que le divorce mentionné deux fois dans une seule période de pureté est effectif. Également, istadallu aydan bi hadith Uwaymir al-Ajlani annahu talaqa thalatha tatliqat 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa anfadahu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wal hadith muttafaqun alayh. Également, il se base sur un hadith de Uwaymir al-Ajlani dans lequel il divorça trois fois auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam exécuta les divorces, comme l'a rapporté Al-Bukhari et Muslim. Et d'autres parmi les hadiths. Ça, c'est l'avis, le premier avis. Al-Qawl al-Thani, taqa'u thalath tatliqat bil-lafdhin wahid. Talqatan wahida. Wa huwa qawl al-ta'ifa min al-salaf. Wa huwa qawl al-majd min al-hanabila. واختاره ابن تيمية وابن قيم وابن القيم والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله. Le deuxième avis, le divorce prononcé trois fois en une seule parole est effectif une seule fois seulement. Et ça, c'est l'avis d'un groupe de salaf également, comme Az-Zubair ibn al-Awwam ou Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhum et autres. C'est également l'avis d'Al-Majd. Al-Majd fait partie des savants des Al-Hanabila, des savants du madhab d'Imam Ahmed, et c'est le grand-père de Shirul Islam ibn Taymiyyah. D'accord? Et c'est aussi l'avis de Shirul Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Également l'avis de Shawkani. Également l'avis de Shir ibn Baz, de Shir al-Albani et de Shir al-Uthaymin, rahimahumullahu ajma'in. Et eux, ils استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجه الدلالة أن الطلاق الثاني وما بعده يقع لغير العدة فيكون مردودا. Ils se basent, ces savants-là, sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Talaq, au sens approché, ô prophète. Quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à leur période d'attente prescrite. Comment ils expliquent? Ils disent que le deuxième divorce est celui après lui arrive sans période de viduité. Il est donc rejeté. Hein, quand tu dis antitaliq, ils disent le deuxième et le troisième. Il a été prononcé sans que la période de viduité du premier n'a été terminée. Donc, ils sont rejetés. Donc, ces divorces-là sont rejetés, le deuxième et le troisième. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فله أنبيناه عليهم فأنباه عليهم رواه مسلم. Il se base aussi, ce hadith est une preuve très forte pour eux sur ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Lorsqu'il a dit, le divorce était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au temps de Abu Bakr, yani pendant le khilafat d'Abu Bakr, et 2 ans du temps du khilafat de Omar. Le triple divorce, prononcé en une seule fois, équivalait à une seule. Puis Omar ibn Khattab radiallahu anhu a déclaré, certes, les gens se sont précipités concernant une affaire où ils avaient du répit. Et si nous le rendions effectif, alors il leur rendit effectif, comme l'a rapporté Muslim. Hein, Omar, il a vu que les gens jouaient avec le divorce. Alors il a dit, on va le rendre effectif. Subhanallah, que dirait Omar à notre époque? Subhanallah. Wallahu al-musta'an. Donc ils dirent, hein, les savants de ce sujet, ils dirent que ce hadith indique clairement que le triple divorce émis dans une seule parole était considéré comme un seul divorce durant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, hein, la période de Abu Bakr. Et également pendant 2 ans du règne de Omar. Alors Omar ibn al-Khattab a dit que ce genre de divorce est considéré comme 3 divorces séparés, en guise de punition, vu qu'en son temps, les gens avaient pris l'affaire du divorce à la légère. Subhanallah. Donc vous voyez ici la divergence entre les savants sur est-ce que le divorce prononcé 3 fois hein, est considéré comme 3 divorces ou comme un seul. Et on voit que hein, l'avis de ceux qui disent un seul divorce hein, est un avis assez fort et qui se base sur des preuves hein, solides. Wallahu ta'ala a'lam. On revient à la parole de Shir hein, Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, « وَالْبِدْعِ فِي الْوَقْتِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْهُ » Les hadith ibn Umar, radiallahu anhuma, « أَنَّهُ تَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَيَحَائِدْ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بِمُرَاجَعَتِهَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةِ وَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهَا حتى تطهر ثم إن شاء طلقها. Il nous dit, Cheikh Salih, hafidhahullah ta'ala, quant au divorce bid'i, dans le temps, il est recommandé que l'époux reprenne son épouse. C'est-à-dire, si l'époux prononce le divorce, lors des menstrues de la femme, ou lors de ses louchis, ou lors, hein, après un rapport intime et avant que la grossesse fût avérée, il est recommandé que l'épouse reprenne reprenne sa femme. Selon le hadith d'Ibn Umar, radiallahu anhuma, dans lequel il divorça son épouse alors qu'elle était en période de menstrues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors ordonné de la récupérer. Comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc s'il la récupère, il doit la garder jusqu'à qu'elle soit pure, puis s'il le souhaite, là il la divorce. Vous avez compris? Je résume hein, cette situation pour que ça soit plus clair. Un homme divorce sa femme, et sa femme elle est soit en état menstru, soit en état de lochi, soit après un rapport qu'il a eu avec elle, hein, dans sa période de pureté, et avant que la grossesse fut avéré. Dans ce cas-là, l'homme doit reprendre son épouse. Il doit reprendre son épouse. Ensuite, son épouse, hein, ses menstrues arrivent. Elle passe ses menstrues, elle se purifie de ses menstrues, et avant qu'il ait un rapport avec elle, s'il veut la divorcer, il la divorce. Ou s'il veut, il la garde. Voyez ? ويحرم على الزوج أن يطلق طلاقا بدعيا سواء في العدد أو الوقت لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولقوله تعالى أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير جماع. Il est donc interdit. Il est interdit à l'époux de divorcer d'un divorce bid'i, que cela soit dans le nombre ou que cela soit dans le temps. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché, le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, soit on garde son épouse conformément à la bienséance, soit on la libère avec bienfaisance, comme dans Sourate Al-Baqarah, verset 228. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens approché dans Sourate Al-Talaq, ô prophète, quand vous divorcez les femmes, divorcez-les conformément à leur période d'attente prescrite, c'est-à-dire qu'elles soient pures sans qu'elles aient eu de rapport intime avec leurs époux. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مرؤوا فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه. Et donc, quelle est l'histoire de Abdullah ibn Umar? Salim ibn Abdillah rapporte que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, a dit: j'ai divorcé ma femme alors qu'elle était en état de menstrue. Umar a mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est alors mis en colère, puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ordonne-lui de la récupérer jusqu'à qu'elle ait une autre période de menstrue qui suit la période dans laquelle il a prononcé le divorce. S'il souhaite la divorcer, alors il la divorce lorsqu'elle est pure de ses menstrues et avant qu'il ait un rapport avec elle. Ainsi, elle divorce avec la période de viduité comme l'a ordonné Allah. Alors Abdullah ibn Umar l'a divorcé d'un seul divorce et son épouse a été affectée par le divorce. Alors Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma l'a repris comme lui a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc vous voyez mes frères ici, hein, le moment légiféré où le divorce doit être prononcé. Donc il est important, il est même obligatoire que chaque musulman et musulmane connaisse cela, hein, afin de ne pas tomber dans le divorce bid'i, le divorce qui est interdit. وقال الشيخ الفوزان وكل ذلك مما يدل على وجوب التقيد بأحكام الطلاق عددا ووقتا وتجنب الطلاق المحرم في العدد أو الوقت ولكن كثيرا من الرجال لا يفقهون ذلك أو لا يهتمون به فيقعون في الحرج والندامة ويلتمسون بعد ذلك المخارج مما وقعوا فيه ويحرجون المفتين وكل ذلك من جراه التلاعب بكتاب الله. Isma'u ya ikhwa. Écoutez mes frères, ça c'est très important. Écoutez le conseil que nous donne Al-Allama, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala. Il nous dit, tout cela indique l'obligation de se conformer au jugement du divorce en fonction du nombre et du temps. est de s'écarter du divorce illicite en termes de nombre ou en termes de temps. Mais beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela. Et ils ne prêtent pas attention à cela. Ensuite, ils tombent dans la gêne. Ils tombent dans le regret. Et ils cherchent ensuite une sortie de secours. Et ils vont déranger les savants pour avoir une fatwa. Et subhanallah, combien de fois nous étions à Médine et on voit des frères venir voir les savants. Ya Achir, j'ai divorcé 3 fois à ma femme. Je ne sais plus quoi faire. Je l'aime, je veux la récupérer. J'étais en colère, j'ai pas fait attention. C'était pas mon intention. Hein, et ils essayent de trouver une issue de secours. Voilà pourquoi, mes frères, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Et on doit faire attention à cette petite chose qu'on a dans la bouche, la langue. Et la retenir. Lorsque la colère nous envahit. Et nous allons voir, hein, dans les points qui suivent, que si tu prononces la parole de divorce, et même si tu n'as pas l'intention, alors le divorce est effectif. Ceci n'est pas une affaire simple. C'est un sujet dangereux, duquel découlent des conséquences néfastes. Ittaqullah ya ikhwa. Craignez Allah, mes frères. Craignez Allah dans vos épouses. Craignez Allah dans le sujet du divorce. Écoutez ce que dit Shir al-Fawzan, hein, juste après. Écoutez, ouvrez vos oreilles, mes frères. Wa ba'du ar-rijal yaj'alu at-talaq silahan yuhaddidu bihi zawjatahu idha arada ilzamaha bi shay aw man'aha min shay. Wa ba'duhum yaj'aluhu mahal al-yamin fi ta'amulih ومحادثته مع الناس فليتق الله أولئه ويبعدوا عن ألسنتهم التفوه بالطلاق إلا عند الحاجة إليه وفي وقته وعدده المحددين. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, nous dit: et certains hommes rendent le divorce tel une arme avec laquelle il menace son épouse. Combien de fois on entend un des hommes menacer leur femme: attention, je vais te divorcer. Matin, midi, soir, l'homme lui dit: attention, je vais te divorcer, tu fais pas ça. Attention, je vais te divorcer si tu fais ça. Et il la menace. Jusqu'au jour où il ne se retient plus et il dit: tu es divorcé, hein, il le répète. Et au bout, hein, de la 3e fois d'un divorce sunni, hein, il pleure. Oh subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait, je l'aime, c'est la femme de ma vie, hein. Il va voir un shir pour trouver une fatwa qui va l'aider à reprendre sa femme. Et s'il trouve pas la réponse auprès d'un shir, il va voir un autre. A'oudhou billah. Donc le shir nous dit: attention à cela. Hein? Craignez Allah, que cela craigne Allah. Et qu'ils retiennent leur langue de proférer le divorce. Excepté lorsque le besoin est présent et durant le temps légiféré et selon le nombre défini. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shir mentionne: Al-fadh al-talaq tanqasimu ila qismayn. Les paroles du divorce sont de 2 types. Al-qism al-awwal al-fadh saliha, wa hiya al-alfadh al-mawdu'a lahu allati la tahtamilu ghayrah, wa hiya lafdh al-talaq wa ma tasarrafa minhu min fi'l madh katallaqtuki wa ismi fa'il ka anti taliq wa ismu al-maf'ul ka an yaqul anti mutallaqa. Le premier type, hein, des paroles du divorce, c'est des paroles catégoriques, des paroles directement liées au sujet, des paroles qui ne peuvent pas sous-entendre autre chose, des paroles avec le mot divorce et ses déclinaisons, comme le fait de dire je t'ai divorcé, ou tu es divorcé, ou tu es une divorcée. Là, c'est direct, c'est clair, il n'y a pas de doute. والقسم الثاني ألفاظ كنائية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن وأنت حرة أو أخرجي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك. Le deuxième type de parole, c'est des paroles ambiguës. C'est-à-dire des paroles qui peuvent désigner le divorce, mais qui peuvent désigner autre chose. Comme s'il dit par exemple, tu es libre. Tu es libre. Ou des choses qui y ressemblent. Ou il dit, sors et retourne vers ta famille. D'accord? Donc ici, hein, c'est ambigu. On ne sait pas si vraiment il veut le divorce ou il veut autre chose. والفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريح يقع بها الطلاق ولو لم ينوي سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق ورجع رواه الخمسة إلا النسائي. Et la différence entre les paroles catégoriques et les paroles ambiguës dans le divorce, c'est quoi? C'est que le divorce est effectif s'il est prononcé avec des paroles catégoriques, même s'il n'en avait pas l'intention. Même s'il n'a pas l'intention, il dit un petit talik, c'est effectif. Qu'il soit sérieux, ou qu'il soit taquin, ou qu'il soit plaisantin, même pour rigoler, tu veux rigoler, tu dis ah t'es divorcé, c'est effectif. C'est effectif. Et ceci selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trois choses sont effectives, qu'elles soient dites de manière sérieuse ou dites pour rigoler. Le mariage, le divorce et le fait de reprendre sa femme pendant la période de viduité. Ces trois choses, tu les dis de façon sérieuse ou tu dis de façon rigolée. Pour rigoler, c'est effectif. Et là, j'ouvre une parenthèse, attention pour le mariage, hein. Des fois, des gens, je te marie, hop, ils rigolent, le mariage a lieu si les conditions sont réunies. Et pareil pour le divorce. Et ce hadith est rapporté par les cinq, sauf Nasa'i. Sauf An-Nasa'i, on a dit hier que les cinq, c'est qui? Ahmed, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, An-Nasa'i wa Ibn Majah. Mais ici, ce hadith n'est pas présent chez Nasa'i. Wa amma al-kinaya. فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه إنه هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني فلا تتعين للطلاق إلا بنيته فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات. Quant aux paroles ambiguës, le divorce n'est pas effectif, sauf s'il a l'intention qui correspond à sa parole. Les paroles ambiguës n'est pas effectif si elles sont mentionnées, excepté s'il a l'intention du divorce. Et ces paroles peuvent désigner le divorce ou elles peuvent désigner autre chose. Par conséquent, le divorce ne peut être désigné avec des paroles ambiguës, excepté s'il a l'intention. Et s'il n'a pas l'intention, alors le divorce n'est pas effectif. Excepté dans trois situations. Écoutez bien mes frères, wallah, c'est très important. Combien de nos frères et nos sœurs se tombaient dans ces problèmes? Écoutez ce que nous dit le shir. Al-oula idha talaffaza bil kinaya fi hali khusuma baynahu wa bayna zawjatihi. La première situation, je répète. La situation où il prononce une parole ambiguë. On ne parle pas des paroles catégoriques, c'est fini ça. Les paroles ambiguës. Et il n'a pas l'intention de divorce. Mais il prononce une parole ambiguë durant une dispute entre l'époux et son épouse. C'est la première situation. Deuxième situation. S'il prononce une de ces paroles alors qu'il est dans une situation de colère. Et une colère où il sait ce qu'il dit. Contrairement à ce qu'on a dit hier, lorsqu'il perd totalement la raison, il ne sait plus ce qu'il dit du tout. Et troisième situation, s'il prononce une de ces paroles en réponse à une demande de divorce de la part de son épouse. Dans ces trois situations, s'il mentionne une parole ambiguë, alors le divorce a lieu et le divorce est effectif. يقع بالكناية طلاق ولو قال لم أنوي لأن القرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق بقوله لم أنوي والله أعلم. Cheikh Al-Fawzan dit, dans ces trois situations, le divorce est effectif par une parole ambiguë. Et même s'il dit je n'avais pas l'intention, pourquoi? Car il y a une indication qu'il en avait l'intention. Et on ne le croit pas s'il dit « Je n'avais pas l'intention » et Allah est le plus savant. Et Allah est le plus savant. Et on va s'arrêter là, mes frères. Inch'Allah, on va laisser la place à notre bien-aimé frère Youssouf Abu Abderzak, Hafidhahullah Ta'ala, pour son cours bénéfique sur At-Ta'addud, sur la polygamie. Et nous continuerons demain, Inch'Allah Ta'ala. Ça va être très, très, très compliqué de clôturer le chapitre en quatre cours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas awalan, thumma al-tawfiq wa al-taysir. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.